Chapitre 15e. Râlant, à demi étouffé, ayant presque perdu connaissance, le comte de Mondieu fut trouvé seulement le matin au petit jour par les gens de service, étendus sur le lit de Germaine. Les gardiennes, en proie à un fol ahurissement, ne savaient que penser de cette substitution d'un gentleman venu la veille en visiteur à une malade, ou soi-disant telle, dont on ne retrouvait pas trace dans la maison de santé. Marquisette également devenait invisible. On courut à travers le parc. On remarqua des traces. On retrouva les cadavres rigides et affreusement convulsés des chiens, plus le ballot renfermant les effets de la fausse gardienne dont Bobino avait si bien joué le rôle. Plus de doute. Les deux femmes s'étaient évadées à la faveur de la nuit, après avoir proprement ficelé Monsieur le Comte, dont les yeux portaient en outre des marques non équivoques d'une lutte pendant laquelle il n'avait pas brillé. Il connut tous ces détails un à un, au fur et à mesure que s'opéraient les recherches. Il ne chercha pas à s'illusionner, et comprit aussitôt l'étendue du désastre. Il soupira. « Germaine et Marquisette sont d'accord. Marquisette m'a roulé. Elle n'est pas folle. Si elle possède encore les papiers de Gaston, je suis perdu. Perdu. Soit. Mais qu'ils prennent garde. Car je suis homme à les entraîner tous dans ma ruine. Heureusement que Suzanne me reste. Suzanne, dont j'ai su me faire un otage et par laquelle je tiendrai toujours Marquisette. » Sans vouloir attendre l'arrivée du docteur Castanet, il passa à la salle d'hydrothérapie, se fit doucher, masser à fond, et ayant recouvré toute sa vigueur, toute son énergie, rentra chez lui. Il trouva Lichamor qui l'attendait en grande impatience. Le vieux drôle, pâle de cette pâleur jaunâtre, couleur de buis, des buveurs d'alcool, était accouru lui faire part des événements de la nuit. Il racontait tout cela d'une voix atone, avec des tremblements convulsifs dans les membres, et le comte, sur lequel tous ces faits tombaient, comme autant de coups de massue, apprenait l'enlèvement des papiers et la reconnaissance de Marquisette et de Bobino. Mais ce n'est pas tout. Au moment où il congédiait Lichamor avec une pincée de louis, son domestique de confiance lui apportait, sur un plateau, une lettre pressée, arrivée à l'instant par un commissionnaire. Cette lettre était de Suzanne. Il frémit en reconnaissant l'écriture et poussa un épouvantable juron en lisant le papier, d'où s'exhalait une suave odeur de verveine. Suzanne l'informait que, cédant aux instances de celui qu'elle aimait, elle quittait la maison paternelle. Elle le suppliait de lui pardonner cette fugue et l'adjurait d'éviter le scandale en consentant à une union devenue désormais indispensable. Il ne dit pas un mot, n'eut pas un de ces accès de violence qui lui étaient si familiers. Il serra les mâchoires et ses yeux rougis, pleins de sang extravasé, eurent un atroce regard. Le domestique venait d'apporter ensuite les lettres et les journaux quand le timbre de la petite porte secrète vibra. « Qu'y a-t-il encore ?» demanda le comte en proie à une sorte de pressentiment. « Maître, c'est Laurent. Fais entrer. » Le concierge de l'immeuble à deux issues, le confident du comte, le compagnon inséparable de Pierre le mutilé, arrivait tout ému, lui aussi. « Dis-moi ce qui t'amène, Laurent, » demanda mon Dieu. « Maître, Pierre est au plus bas. Sûrement, le pauvre camarade va passer. Le médecin, le nôtre, dit qu'il n'a pas 3 heures à vivre. Il voudrait vous voir avant de mourir. Je viens en même temps que toi, Laurent. Et Bamboche, qu'est-il devenu? Je ne l'ai pas revu depuis cette nuit maudite où nous avons cambriolé l'hôtel de la rue Euler. Il est décavé, ruiné à plat, couché dans l'appartement que vous occupez sous le nom de mon oncle. Malade de noces avec des donzelles. « Abîmé de soulographie, sans le sou, il n'ose pas vous prier de le remonter. »« Je vais le à la porte à coups de pied. Il n'est propre à rien qu'à nous mettre dans l'embarras. Je vais le renvoyer au ruisseau d'où je l'ai tiré. »« D'autre part, tout va mal, mon pauvre Laurent, et je crois bien qu'il va nous falloir faire peau neuve. »« Maître, comme il vous plaira, il y a encore en Italie des grottes, des grands chemins, des Anglais millionnaires, de belles filles et de bons compagnons. » Oui, tu as raison. Nous devrons nous faire oublier. Mais auparavant, il y a une exécution en grand, sans merci, toute la bande. Tu entends? Berezov, Germaine, le barbouilleur Vandol, Bobino, et jusqu'à ma soi-disant fille, Suzanne. Il faut que tous disparaissent, ou nous sommes fichus. Allons voir ce pauvre Pierre. Ils sortirent de l'hôtel, montèrent en voiture et arrivèrent promptement rue Joubert. Mon Dieu grimpa lestement au troisième pour laver la tête à Bamboche et lui donner son compte, avant d'assister à l'agonie du misérable qui connaissait tous les secrets de sa vie de réprouvé. Bamboche, la bouche pâteuse, l'air abruti, essayait de conjurer avec du thé léger un effroyable mal aux cheveux. Le jeune gredin, soigné par la femme de Laurent, se pelotonnait paresseusement dans son lit, trouvant le temps long, ne sachant comment se faire pardonner une série de maladresses dont il s'était rendu coupable pendant ces derniers temps. Mon Dieu, qui le traitait en élève favori, presque en enfant gâté, semblait, comme on vient de le voir, furieux contre lui, et faisait mine, dans l'état d'exaspération où il se trouvait, de vouloir lui faire endosser le poids de sa mauvaise humeur. Le comte entrait dans la chambre à coucher, après avoir traversé l'antichambre, la pièce où mon oncle avait sa caisse et son bureau, et la salle à manger. Bamboche, le voyant, voulut payer d'audace et tâcher de l'apaiser par une de ces fariboles qui parfois le déridaient. Sa plaisanterie fit long feu d'une façon lamentable. Le comte l'interrompit de sa voix cassante des mauvais jours. « Assez ! Tu me coûtes plus que tu ne m'en rapportes, et je ne sais ce qui me retient de te laisser tomber dans cette grotte d'où je t'ai tiré. »« Patron, vous ne ferez pas ça. Vous n'abandonnerez pas votre petit Bamboche. Je voulais faire de toi un indicateur sérieux, et tu ne fiches rien qui vaille. Enfin, tu iras toutes les affaires. Ah, pourquoi jadis as-tu manqué, Bobino ?» Guy de Maltaverne a bien manqué Bérézov et Maurice Vandol. Du moins, il a eu l'esprit de mourir et de me débarrasser d'un complice. Faudrait peut-être que je me déguise en Maccabée, fit Bamboche avec un sourire mauvais. Non, tu feras bien de disparaître quelque temps. Retourné chez Lichamor, après avoir été le vicomte de Chamboé, un Vauverny de grand chic, un gratiné pour de vrai. Malheur, patron, vous blaguez. Je parle très sérieusement. Plus tard, je ne dis pas, tu reprendras ta place. Patron, loin des yeux, loin du cœur, vous m'oublierez. Tu m'embêtes à la fin. Retourne 6 mois là-bas et après nous verrons. Comme ça, sans le sou, je serai bien reçu par maman Bachu. Je vais te donner quoi faire bonne figure parmi les sacripants des carrières, le temps de te refaire une virginité. Canaille, pensa Bamboche. Ça vous prend et ça vous lâche comme une savate quand ça n'a plus besoin de vous. Mais faudra voir. » Le comte quittait la chambre et se dirigeait vers le bureau, où se trouvait le coffre-fort, sans doute pour prendre l'argent qu'il venait de promettre à Bamboche. Celui-ci, se voyant ramené à son point de départ d'où l'avait tiré un caprice de cet homme terrible et où un nouveau caprice allait le ramener, fut pris d'une effroyable colère blanche. Puis une sinistre pensée de meurtre envahit soudain son cerveau, et il songea. « Toi, monsieur le comte, faut que je te tue. Le coffre est bourré de monnaie. À moi tout. Et puis après arrive qui plante. » Il fouilla aussitôt dans la poche de sa jaquette, où se trouvait toujours son poignard, et le tira du fourreau, se leva sans bruit, et avec des souplesses de félin s'approcha du bureau. Pieds nus, bannière au vent, grotesque et terrible, il marchait sans produire le moindre froissement sur le tapis. Le comte venait d'ouvrir le coffre, et il s'avançait pour prendre une pile de louis et présenter le dos à Bamboche. Celui-ci leva la main armée du poignard, et à toute volée, frappa entre les deux épaules. La lame pénétra jusqu'à la poignée. Le comte poussa un cri sourd, tomba la figure sur une des tablettes métalliques du coffre, et de là, rebondit sur le tapis. « Eh, patron !» dit Bamboche avec son sourire ignoble. « Vous voilà bien plus avancé maintenant !» Frappé à mort, les yeux déjà vitreux, la face horriblement crispée, suffoquée par l'épanchement qui se produisit intérieurement avec une rapidité foudroyante, le comte eut encore la force de râler. « Misérable, tu viens de tuer ton père !» Du coup, Bamboche éclata de rire. « De quoi? C'est vous qui êtes papa ? » ?»« Ben alors, vous êtes rien muf de m'avoir fichu à l'ours et coupé les vivres. Fallait m'adopter. » Et faire de moi quelqu'un de sérieux, un vrai mon Dieu, et non pas un vicomte d'Antoc. Tu es le dernier des monstres. Oh, tu es par toi. Brigand. J'ai été élevé pour en être un de brigand. J'ai pas trop mal réussi pour mon coup d'essai. Aussi, quand je serai chef de bande et qu'un de mes employés voudra un peu rouspéter, j'aurai qu'à lui dire. Moi j'ai tué papa. Fais-en donc autant. Et maintenant, assez causé. En un tour de main, Bamboche s'habilla. Puis, quand il eut fini à la diable cette sinistre toilette, il rafla les billets, les piles de louis, les bijoux contenus dans le coffre. Il bourra ses poches à éclater, enfourra sur sa poitrine, entre sa chemise, et quand il eut pris tout ce qu'il lui fut possible d'emporter, il s'en alla tranquillement, sans plus s'occuper de l'agonisant. Et quand il fut dans la rue, il songea, tout enfiévré à la pensée du trésor dont il se trouvait possesseur. « La fortune est au malin. J'ai maintenant la forte somme, et avant peu, on entendra parler de moi. »